بسم الله الرحمن الرحيم اليوم سندخل في المسألة 54 في قول الله تعالى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم سنن الذين من قبلكم que Allah dans le sens où il dit que Allah veut vous éclaircir et vous guider sur la voie de ceux qui étaient avant vous. Surat An-Nisa verset 26. قال المؤلف رحمه الله تعالى هذه الآية تدل بظاهرها على أن شرع من قبلنا شرع لنا. Donc il dit ce noble verset nous montre dans son apparent que la législation de ceux qui étaient avant nous est toujours valable. La législation qui était pour ceux d'avant nous, avant la Ummah de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est également une législation qui est pour nous. Ça c'est une masala dans Soulefir qui est marlouf, qui est connu, avec un khilaf qui est connu. قال ونظيرها قوله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتدي également dans un verset qui est dans le même sens où Allah a dit dans le sens où il dit ceux-là, c'est-à-dire en parlant de ceux d'avant Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sont ceux que Allah a guidés, alors suis leur guidé. Fiad al-Ma'ana. Suis la guidée sur laquelle ils étaient. Al-An'am, les bestiaux, verset 90. وقد جاءت آية أخرى تدل على خلاف ذلك هي قوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. Et un autre verset est venu s'opposant à cela, dans lequel Allah, dans le sens, il dit que pour chacun, c'est-à-dire pour chaque communauté, nous avons fait une législation et une voie à suivre. Surat al-Maïda, la table servie, verset 48. Donc là, on a dans l'apparent comme une forme de contradiction. ووجه الجمع بين ذلك مختلف فيه اختلافا مبنيا على اختلاف في حكم هذه المسألة. Donc là, cette divergence, elle est bâtie sur quoi? Sur la divergence qui existe par rapport au sujet, comme on l'a expliqué. Est-ce que la législation de ceux qui étaient avant nous en est une pour nous également? فجمهور العلماء على أن شرع من قبلنا إن ثبت بشرعنا فهو شرع لنا ما لم يدل دليل من شرعنا على نسخه لأنه ما ذكر لنا في شرعنا إلا لأجل اعتبار والعمل. La plupart des savants, ils voient que ce qui était comme législation de ceux qui étaient avant nous, si jamais dans notre législation on le trouve également, alors c'est également valable pour nous. Tant que on n'a pas une chose qui démontre que ce rite qu'ils faisaient auparavant a été abrogé. D'accord ? C'est-à-dire le char de ceux qui étaient avant nous est valable pour nous, sauf qu'on a un texte qui dit que cette chose-là, on ne doit plus la faire. Car les rites des gens d'avant nous n'ont été cités que pour le fait justement de pouvoir les appliquer. Du fait que Allah Azzawajal, yani, les citant bien, cela pour nous inciter à agir de la sorte. قال وعلى هذا القول فوجه الجمع بين الآيتين أن معنى قوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا أن شرائع الرسل ربما ينسخ في بعضها حكم كان في غيرها. Donc en prenant ce call des ulama, de la plupart des savants qui disent que cela est valable pour nous également, tant que cela n'est pas abrogé, ça veut dire que le sens de la parole d'Allah, où il dit que pour chacun il a fait une législation, une voie à suivre, c'est-à-dire qu'en fait, les législations des messagers, certaines en abrogent d'autres, ou certaines sont rajoutées à d'autres. Il se peut qu'un messager vienne avec une législation et qu'il abroge certains rites de celui qui était avant lui, ou alors qu'il vienne avec une législation similaire à celle de celui d'avant lui, mais il ajoute des choses que l'autre n'avait pas avant lui. Puis c'était un passage qu'on va sauter. Thumma qala wa amma ala qawli Shafi'i wa man wafaqahu anna shar' man qablana laysa shar'an lana illa bi nassin min shar'ina anu mashru' lana. فوجه الجمع أن المراد بالسنن من قبلنا وبالهدى في قوله تعالى أولئك الذين هدى الله أصول الدين التي هي التوحيد لا الفروع العملية بدليل قوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. Donc maintenant dans l'autre call qui est celui de Shafi'i qui est connu et ceux qui sont avant lui, qu'il dit que le shara la législation de ceux qui étaient avant nous n'est pas valable pour nous sauf si on a un texte qui nous dit d'agir de la sorte. Ça veut dire qu'en fait, la voie de ceux qui étaient à suivre d'auparavant, la houda, la guidée de ceux qui étaient avant nous, Le sens voulu par là, c'est les fondements de la religion, comme le tawhid. C'est-à-dire le tawhid qu'on a actuellement, ceux d'avant avaient exactement le même. Il n'a pas changé. C'est une chose qui ne s'approche pas. D'accord ? Ça, c'est une chose qui ne s'approche pas. Le tawhid. Et l'iman. Ces choses-là sont des choses qui sont effectives et qui ne changeront jamais. Donc, il est visé par là le fondement de la religion et non pas les rites gestuels. Les rites liés aux actes, comme les salawat, comme le siyam et ces choses-là. Par preuve, ou dans le sens où Allah dit que pour chacun, il donnera une législation et une voie à suivre. C'est-à-dire que chacun, ils auront leurs propres rites qui leur sont spécifiques. Mais les fondements de leur religion, eux, ne changeront pas. Ça, c'est à la colle l'imam Shafi'i. C'est comme ça qu'on pourrait lire entre les versets. ولكن هذا الجمع الذي ذابت إليه الشافعية يرد عليه ما رواه البخاري في صحيحه في تفسير سورة صاد عن مجاهد أنه سأل ابن عباس رضي الله عنه من أين أخذت السجدة في الصاد فقال ابن عباس ومن ذريته داود ولا يعني لقوله أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده الأنعام فسجدها داود فسجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعلوم أن السجود التلاوة من الفروع لا من الأصول وقد بين ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سجدها اقتداء بداود وقد بينت هذه المسألة بيانا شافيا في رحلتي فلذلك اختصرتها هنا. Donc il dit maintenant, cependant, le call justement des Shafi'iyya, de l'imam Shafi'i, de ceux qui l'ont suivi, cela peut-être répondu par ce qui a été rapporté par l'imam Bukhari dans son tafsir, plutôt dans son sahih, dans le kitab tafsir, par rapport à Surat Sad. Sur le Mujahid, qu'il a questionné Ibn Abbas, d'où est-ce que on se prosterne dans Surat Sad? Pourquoi dans Surat Sad, on se prosterne? Donc Ibn Abbas cita le verset, justement de l'An'am, qui est là le verset sur lequel il y a la recherche, où il dit, et de leur descendance d'Aoud, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'ils disent, et ceux-là sont ceux que Allah a guidés, alors suis leur guidé. Al-An'am, verset 84. Donc il dit par rapport à cela que Daoud s'est prosterné. Cette prosternation que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait dans Sod, Daoud également l'a faite. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait cette prosternation, comment? En suivant la guidée de Daoud, alayhi sallam. Et il est connu que la prosternation de récitation de Tilawa, c'est des choses qui sont comptées parmi les branches et non pas parmi les fondements. Donc le Nabi, comme Ibn Abbas, a bien clarifié que cette sajada, cette prosternation a été faite en suivant la guidée de Daoud, alayhi salam. Et il dit que le shir, il a cité cela de façon résumée, car il en a déjà fait il a déjà développé la chose ailleurs, donc là il s'est contenté de résumer ce point-là. Donc ça c'est une masala sur laquelle il y a khilaf, par rapport à cette question, est-ce que le char de ceux qui étaient avant nous est toujours valable pour nous également? Naam. Fahada wa jawab al-shaykh. Rahimahullah ta'ala. Falhamdulillah rabbil alamin.